Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Agnès Marin. Le 16 novembre 2011, dans le collège privé Cévenol du Chambon sur Lignon, en Haute-Loire, Agnès Marin, la plus jeune de l'internat, disparaît. Après 2 jours de recherche, son corps est retrouvé calciné dans le bois qui entoure l'établissement. Agnès Marin, 13 ans et demi, a été violée, assassinée, brûlée. Quand on apprend que son assassin Mathieu, âgé de 17 ans, lui aussi interne au Cévenol, avait déjà violé sous la menace d'un couteau une autre mineure en août 2010 dans le Gard, le fait divers devient affaire d'État et s'immisce dans le débat politique autour de la récidive, question éminemment sensible dans la société. Dans l'attente de son procès, Mathieu avait été jugé par les experts de la protection judiciaire de la jeunesse réinsérable et non dangereux. En novembre 2010, il fait sa rentrée au Cévenol. Alors, comment expliquer qu'un mineur sous contrôle judiciaire ait pu repasser à l'acte 1 an plus tard et aller cette fois jusqu'au bout de son crime? Et qui est responsable de cette situation? La juge d'instruction qui en 2010 a estimé Mathieu libérable, l'expert psychiatre qui n'a pas décelé de maladie mentale chez son patient, les parents de Mathieu, Dominique et Sophie Moulinas, qui se sont battus pour faire sortir leur enfant de prison, tous parents l'auraient fait. Le principal du collège Cévenol, au courant du passé judiciaire de Mathieu, qui a pourtant accepté son inscription dans un internat mixte. Personne et tout le monde, finalement. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire pour Le Figaro. Il a suivi l'affaire et les 2 procès de Mathieu Moulinas. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Constance Villanova, coordination Christophe Barrer, réalisation Jérôme Moulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Cet après-midi du 16 novembre 2011, comme tous les mercredis après le déjeuner, c'est quartier libre pour les 60 élèves de l'internat du collège-lycée privé Cévenol. Mais bon, à part zoner au Play, le bar du Chambon sur Lignon, le village en contrebas de l'établissement, pas grand-chose à faire. Surtout depuis que le foyer socio-éducatif des Cévenol a fermé. Si, il y a bien la forêt là du près du Sou, où se promenaient plusieurs hectares d'une verdure dense qui entoure le collège. Oui, mais par ce froid, aucun intérêt. À 17h, fin de la récré. Les derniers retardataires rejoignent l'étude obligatoire. Mais Agnès, la plus jeune de l'internat, 13 ans et demi, n'est pas là. Dans sa chambre non plus. L'adolescente, pourtant, n'est jamais en retard. Une surveillante passe alors un coup de fil à Estelle, sa meilleure amie, qui habite au Chambon. Oui, Agnès était bien avec moi, oui, affirme la collégienne. Elle a quitté la place du village à 16h30. Bah, depuis, rien. Alors quoi? Une fugue? Non, pas son genre, rétorque ses copains. Pourtant, à 18h30, l'inquiétude monte. Il faut prévenir la police, ainsi que Frédéric et Paola Marin, les parents d'Agnès. La gendarmerie arrive au Cévenol, les débattus s'organisent dans le parc, comme dans le bois, avec élèves, policiers et pions, au cri « D'Agnès, reviens !» Et la nuit tombe, sans lampe, torche ou chaussures adaptées, impossible pour les pensionnaires de poursuivre les recherches. Tout ça pour rien. À minuit, pas un indice. Bredouille, les 60 apprentis gendarmes sont renvoyés dans leur chambre par les surveillants. Oui, Agnès a disparu, mais le règlement, c'est le règlement. Tous inquiets, personne ne dort. Alors on rapproche les lits, on chuchote les hypothèses. Agnès aurait rejoint un copain de Paname, disent certains. Elle serait allée cueillir des champignons hallucinogènes dans le bois avec Mathieu, un autre interne, jure d'autres internes. Tiens, à propos, Mathieu. Mathieu, c'est un élève de première, un peu gothique, toujours scotché à son yo-yo, un peu bizarre, diront les internes. Et sur ce même Mathieu, plusieurs élèves du Cévenol sont formels. Ils l'auraient vu sortir de la forêt dans l'après-midi, le visage couvert de griffures. Comme en témoignent ces 2 ados, au micro de France 2, 2 jours après la disparition d'Agnès. On l'a vu sortir des bois tout seul vers 15h30, 16h mercredi après-midi. Vous avez vu les fameuses griffures au visage? Oui. Je lui ai demandé, il s'est énervé. Il s'est énervé, ça ne lui a pas plu la question, quoi. Il en avait marre, il a dit arrêtez-moi, arrêtez de me poser des questions sur ça. Le lendemain, 17 novembre, des renforts de la gendarmerie et 160 militaires débarquent au Cévenol. Ambiance apocalyptique pour collégiens et lycéens qui reprennent les cours, très perturbés parce que sans nouvelles d'Agnès, leur camarade expiègle est toujours un peu révolté. Fraîchement débarqué un mois plus tôt au Cévenol, la forte tête brune s'était fait virer de son collège parisien pour avoir porté une fausse attelle, histoire de sécher le cours de sport, ou un truc dont elle ne voyait pas l'utilité. Pour dompter cette rebelle, ses parents l'avaient donc confiée à cet établissement privé du Chambon-sur-Lignon, une école de la seconde chance en quelque sorte, qui mélange fils de diplomate, cas difficile et enfant du cru. Pendant ce temps, Mathieu, celui qui serait parti à la cueillette de champignons hallucinogènes avec Agnès, est auditionné par les gendarmes. Oui, il a bien croisé Agnès la veille. Il aurait fumé un joint avec elle, mais il ne se souvient de rien. « Bad trip, j'avais pas fumé depuis longtemps », affirme-t-il. Bien. Les griffures sur le visage? Ah, il est tombé dans les ronces ou dans une flaque. Bien. Après 5 versions différentes, Mathieu est placé en garde à vue. Sa chambre d'internat est perquisitionnée. Les gendarmes y trouvent un jean parsemé de taches rougeâtres. « Oh, de la boue !» riposte celui qui a réponse à tout. Mais il y a cette autre découverte alarmante. Estelle, la meilleure amie d'Agnès, qui avait affirmé que l'adolescente était avec elle jusqu'à 16h30 avant sa disparition, craque. Et à vous, gendarme. Agnès lui a demandé dans un SMS de la couvrir. Si on te demande où j'étais chez toi, ok? Ok. Un mensonge de gamine de 13 ans qui se couvre. Classique. Le 18 novembre, 48 heures après la disparition, alors que l'enquête et les recherches n'avancent pas, Frédéric et Paola Marin, les parents d'Agnès arrivés la veille au Chambon, convoquent la presse et lancent un appel à témoins. Sous les nuées de photographes, parole d'un père, brisé. Elle est quelque part et nous attendons de l'aide. Nous avons besoin d'aide. Il n'y a pas de petite information. Il n'y a que des pièces pour reconstituer l'agenda, le calendrier, les gens qu'elle a vus, les endroits qu'elle a visités. Pour les parents, vous savez, le temps s'est arrêté. Vous avez une montre? Pour nous, on n'a plus de montre. La seule chose qu'on attend, c'est de voir notre fille. Dans la soirée, la nuit tombée, après plusieurs heures d'interrogatoire, Mathieu finit par avouer. Oui, il est allé cueillir des champignons hallucinogènes avec Agnès. Les deux ados que 4 ans séparent, une éternité à cet âge-là, se sont disputés. Après l'avoir bousculé violemment, il l'a poussé dans un ravin. Il est parti et l'a simplement laissé là. Sûrement blessé. Accompagné de son avocate et des gendarmes, alors qu'il fait nuit noire, Mathieu retourne sur la zone de la macabre cueillette. Inquiet, il demande « Vous pensez qu'elle est morte ?» Il est tard, le chemin est escarpé, les gendarmes renvoient Mathieu au poste et continuent les recherches sans lui. C'est alors que le cri d'un gendarme déchire le silence. Le salaud. Au pied d'un pin, là, à ses pieds, le corps d'Agnès Marin calciné, à genoux, tête contre le sol, à moitié dénudé, pantalon baissé. L'autopsie révélera qu'elle a été violée, puis poignardée à 17 reprises. Mathieu, 17 ans, s'est acharné sur Agnès, 13 ans et demi. Mathieu a violé Agnès en attachant ses poignets avec des ficelles de yo-yo, et pour la faire taire, il l'a assassinée. Enfin, pour la faire disparaître, il l'a brûlée. Les journalistes sont déjà sur place. Le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Jean-Yves Coquillat, donne une conférence de presse dès le lendemain. Après avoir insisté sur le caractère prémédité du meurtre, ce qu'il annonce prend tout le monde de court. Ce garçon faisait l'objet d'une information à Nîmes pour viol sur mineur de 15 ans. Il avait violé en août 2010 une jeune fille qui était une de ses camarades de classe. Il a effectué 4 mois de détention provisoire. Il n'a pas été jugé pour cette affaire. Il a été, comme c'est la règle en matière de mineurs, libéré sous contrôle judiciaire. Il a toujours respecté le contrôle judiciaire. Les expertises que j'ai en ma possession dans le dossier de Nîmes font état de quelqu'un qui était adaptable et réinsérable et ne présentait pas de dangerosité. Un récidiviste. Comment expliquer que Mathieu, qui avait déjà violé une adolescente en lui laissant la vie sauve 16 mois plus tôt, avait pu être scolarisé dans un établissement mixte et recommencer en allant cette fois jusqu'au bout? Question lancinante. Revenons quelques années en arrière. Mathieu naît le 30 décembre 1993 à Nîmes. Sa mère, Sophie, est comptable dans une clinique. Son père, Dominique, enseignant. Grand frère aimant ses deux petites sœurs, Zélie et Margot, Mathieu est un gosse à l'imagination, disons, vive. En CM1, quelques difficultés à lire ou à effectuer certains gestes révèlent une dyspraxie, une dyslexie. Rien de bien grave, dira-t-on. Le gamin du Gard se mue en ado, un brin rebelle. Il fume quelques joints, joue à la console et participe à des manifs étudiantes. Quelques crises, ça et là, Mathieu. Un ado, comme les autres. Jusqu'à ce 1er août 2010. Veille de départ en vacances, sous le chant des cigales et la chaleur écrasante du Gard, Mathieu aide son père à fixer un porte-vélo sur la voiture familiale. Trois camionnettes de police se postent alors devant leur pavillon. Fin de la torpeur estivale. Dans Parents à perpétuité, livre écrit par les parents de Mathieu, Dominique Moulinas, le père, se souvient de ce soir d'août 2010, 16 mois avant la mort d'Agnès. Deux femmes en uniforme demandent avec douceur à Sophie, Margot et Zélie de les accompagner un peu plus loin dans le jardin, à l'ombre. À bonne distance, pour qu'elles ne puissent pas entendre ce que leur collègue lance à Mathieu et que j'entends bien, moi. On est là par rapport à ce que tu as fait à Julie. Tu sais que c'est très grave. Mon fils baisse la tête, j'interviens. Quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait, Mathieu? Un gendarme plein de gêne, compatissant, l'air de dire qu'il n'est pas censé m'informer, mais qu'il est sensible à mon désarroi, m'explique enfin. Visiblement, votre fils aurait violé Julie. Le 1er août au matin, Mathieu envoie un SMS à Julie, 15 ans, une amie de Nagey-sur-l'Orge, son village, une copine d'enfance. En prétextant lui rendre les 10 euros qu'il lui avait empruntés plus tôt, il l'entraîne dans la garrigue. Sous la menace d'un couteau, Mathieu attache Julie à un arbre avec des lacets qu'il avait apportés dans son sac et il la viole. Dans un geste de survie, l'adolescente profite d'un appel de sa mère sur son portable pour négocier sa libération auprès de son bourreau. Mathieu détache Julie et conclut par un « on oublie tout, hein, on reste potes, ok ?» Mais Julie n'oublie pas et porte plainte dans l'après-midi. Le 1er août, le soir du crime, devant la police et ses parents dévastés, Mathieu avoue tout en bloc et montre aux gendarmes le couteau avec lequel il a menacé Julie. Placé en détention dans la maison d'arrêt pour mineurs du Pontet, près d'Avignon, il est encadré par des éducateurs et des psys. Dès les premiers jours de son incarcération, Mathieu s'habitue finalement à la prison. Oui, l'oisiveté ne lui déplaît pas, et puis le cloisonnement le rassure. Isabelle Mimram, son avocate, et les éducateurs de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, expliquent à Dominique Moulinas, le père du détenu, qu'il faut imaginer un plan de sortie pour son fils, dans l'attente du procès. Dans le documentaire d'Anne Ginsberger, lui aussi intitulé « Parents à perpétuité », Dominique Moulinas, assis à côté de son épouse, Sophie, explique comment, après le conseil des éducateurs de la PJJ, il a pensé à une solution pour Mathieu. Fin août, un éducateur qui a bien voulu nous recevoir m'a dit « Monsieur Moulinas, bougez-vous, il faut le sortir de là ». Fin août, ça faisait un mois qu'il était incarcéré. En même temps, je ne voyais pas trop comment je pouvais faire sortir, moi, un gamin de prison, hein. Alors effectivement, je me suis bougé. J'ai construit un projet où, avec en étant guidé par notre avocate, où elle me disait effectivement, il faut l'éloigner du Gard. Ça sera une première condition. Il était scolarisé, il faut le scolariser. Il faut prévoir un accompagnement psy. Voilà, et ben c'est ce qu'on fait avec Sophie. On trouve un établissement scolaire, on trouve des psys, voilà. Le juge qui instruit le dossier sollicite psychiatre et psychologue. Les experts sont unanimes. Malgré l'effet de viol sur mineur sous la menace d'une arme, Mathieu n'est pas dangereux. L'ado est surtout entouré par ses parents, un fait rare chez les mineurs délinquants. Un élément qui encourage la PJJ à envisager sa réinsertion. Pourtant, au juge qui lui demande s'il pourrait repasser à l'acte, Mathieu répond « Je ne pense pas en avoir le cran. Enfin, le courage. » Un présage que personne ne relève. Le 2 décembre 2010, un an avant le meurtre d'Agnès, le docteur Claude Aigvive, expert psychiatre reconnu, juge Mathieu réinsérable et il affirme qu'il n'a pas de trouble à dimension perverse. Enfin, le viol de Julie. Un coup de folie, dû à un excès de Call of Duty, ce jeu vidéo sanglant auquel Mathieu est addict. Bien. Le psychiatre d'ailleurs est catégorique, sans shit ni console, tout rentrera dans l'ordre. Sous contrôle judiciaire, dans l'attente du procès, Mathieu devra donc être suivi par des médecins et des éducateurs de la PJJ et scolarisé en internat, loin du Gard. Dominique Molina s'espère, lui aussi. Le père de Mathieu frappe à toutes les portes des internats en dehors de la région. Après avoir essuyé 16 refus, il reçoit enfin une réponse positive, celle du proviseur du collège Sévenol au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Toujours dans le documentaire d'Anne Gitzberger, le père de Mathieu se souvient de sa rencontre avec ce directeur accueillant et compréhensif. J'ai rencontré monsieur Bowens, quoi, le proviseur du collège Sévenol. Hein. Il était bienveillant, il était conciliant, il était humainement parlant, j'allais vous dire un chic type, quoi. Vraiment un chic type. J'ai été face à quelqu'un qui m'a fait un bien fou. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? J'ai parlé d'agression sexuelle sur une amie de Mathieu, une amie d'enfance de Mathieu qu'il connaissait depuis très longtemps. Et Monsieur Bowens m'a répondu que Mathieu avait sa place au Sévenol parce que, de toute façon, si la justice décidait que Mathieu était libérable, c'est qu'il pouvait être réinsérable et que le Sévenol servait à ça, à aider les gamins qui, à un moment de leur vie, traversaient des périodes difficiles. Le collège-lycée Sévenol, un projet pédagogique idéal pour une réinsertion. Une école fondée en 1938 par deux protestants, des murs qui ont abrité des dizaines d'enfants juifs pendant l'occupation. En 1973, et le coup d'état de Pinochet, ce sont des jeunes Chiliens qui y trouveront refuge. Premier internat mixte de France, des fils d'ambassadeurs y côtoient des cas difficiles venus ici pour une deuxième chance. Mais depuis la fin des années 90, ces 10 000 mètres carrés de parc sans barrière ont beaucoup moins la cote. Alors qu'à son âge d'or, 600 élèves fréquentaient le Sévenol, en septembre 2010, quand Dominique Molina s'y inscrit son fils, Mathieu, ils ne sont plus que 180. Les caisses sont vides et il est difficile pour Philippe Bowens, son proviseur, de refuser une nouvelle inscription à l'internat. Il y a tout de même un chèque de 12 000 euros à la clé et tant pis s'il s'agit d'un agresseur sexuel. Le 20 novembre 2011, un an après la conversation bienveillante entre le père de Mathieu et Philippe Bowens, le proviseur du Sévenol, deux jours après la découverte du corps carbonisé de la petite Agnès, 13 ans et demi, une marche blanche réunit 4000 personnes dans les rues du Chambon-sur-Lignon. Pendant ce temps, devant la presse, la direction du collège-lycée Sévenol nie. Elle ne connaissait pas le passé judiciaire de Mathieu, comme l'affirme le proviseur adjoint, au micro de Clément Le Goff pour France 2. La direction du collège Sévenol l'a découvert, en même temps que les parents d'Agnès, en même temps que les élèves et leurs familles, l'effroyable vérité. Nous avions accepté dans notre établissement un jeune garçon convaincu de viol. Le père du jeune homme avait informé le lycée que son fils avait fait 4 mois de prison, mais la direction affirme qu'elle ignorait les raisons de ce séjour carcéral et estime que c'était à la justice de l'en informer. Compte tenu des éléments qui étaient en possession à ce moment-là, j'ai pris la responsabilité d'inscrire Mathieu dans l'établissement. Un violeur récidiviste scolarisé dans un internat mixte, mais comment est-ce possible ? S'insurgent les parents d'élèves. C'est avec cette question-là que le fait divers devient affaire d'État. C'est le débat autour de la récidive, parce que le dossier de Mathieu, c'est ça. Le 21 novembre 2011, François Fillon, alors Premier ministre, réunit à Matignon le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, le garde des Sceaux, Michel Mercier, et le ministre de l'Éducation nationale, Luc Chatel, pour examiner les questions soulevées par l'affaire Agnès Marin. À la sortie de la réunion, sur le parvis de Matignon, Michel Mercier, garde des Sceaux, annonce les nouvelles mesures du gouvernement sur la récidive des mineurs. Tout personne qui a commis, tout d'abord, un crime sexuel particulièrement grave, doit être placé en centre éducatif fermé lorsqu'il est mineur. Deuxième point, il faut partager l'information entre les services. Faire en sorte que la justice, l'intérieur, l'éducation nationale, la santé communiquent entre eux pour s'informer sur le fait qu'il y a un criminel qui a commis un crime particulièrement grave et qui est situé dans tel ou tel point. Troisième point, on a bien vu qu'il y a des rapports qui ont été faits par des psychiatres de grande qualité, mais il faut probablement aller plus loin que le rapport d'un seul sur lequel se fonde le juge dans sa décision. Il faut aller vers une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité. Bref, les faits divers font la loi. Alors que la gauche dénonce l'instrumentalisation d'un assassinat, les professionnels de la justice jugent les mesures proposées inadaptées. Il réclame surtout plus de moyens pour suivre et accompagner les mineurs délinquants comme Mathieu. Et surtout, pas de généralité du cas par cas. Le coupable du meurtre d'Agnès Morin, on le connaît. Mais les responsables? Des parents qui, trop aimants, ont eu l'espoir d'un avenir meilleur pour leur enfant? Une juge d'instruction qui, en voyant cet ado entouré par un couple solide, a fait confiance au suivi judiciaire? Un psychiatre qui n'a pas jugé Mathieu dangereux, ou un directeur de collège en faillite qui n'a pas pu dire non à deux chèques? D'ailleurs, y a-t-il vraiment un responsable? Le 18 juin 2013, 2 ans et demi après la mort d'Agnès Marin, le premier procès de Mathieu Moulina s'ouvre et révèle les dysfonctionnements de suivi en cascade qui ont précipité une adolescente de 13 ans et demi dans la tombe. Face à l'horreur des faits et à la demande de Julie, la première victime de Mathieu, le procès se tient à huis clos. She was home, she was a swan. When she was out, she was a tiger. And a tiger in the wild is not tied to anyone. When she was lost, she was a toad. The day I found her on the road, I gave her water and a rose, and as she stretched, the sun rose. Go, go, go, go away, go away, go away, go, go. Stars. She told me women to survive must be unfaithful to their child. For the wonders of the world, she was a lady with a bow. She must have had so many lives. Was it the first? Was it the last? Go. Quelques minutes avant le huis clos, nous avons pu observer Mathieu dans le box. Il a aujourd'hui 19 ans, légèrement voûté, une mèche châtain sur le côté, des lunettes studieuses. Il ressemble à n'importe quel adolescent son âge. Mais ce qui frappe, c'est qu'il a l'air détaché, totalement absent de son procès. Les débats vont maintenant se poursuivre pendant 2 semaines, à l'abri des regards. Un procès à l'abri des regards, certes, mais dont les révélations sur les dysfonctionnements du suivi judiciaire sont déballées dans la presse. L'avocate générale, Jeanne-Marie Vermeulin, le sait et annonce « Nous n'ignorons pas qu'une partie des débats portera sur la responsabilité de l'institution judiciaire. » Elle n'a pas tort. À la barre, se succèdent experts et éducateurs qui essaient tant bien que mal de rejeter la faute sur l'autre pour justifier le laxisme dans le suivi judiciaire de Mathieu. Aucun ne demande pardon aux parents d'Agnès. Au micro de Christophe Vincent, l'avocat de la famille d'Agnès Marin, Francis Spinner, dénonce. C'est quelqu'un qui a été mis en liberté à charge pour lui de suivre notamment d'avoir un suivi psychiatrique et psychologique, qui a été confié à une psychiatre qui parlait pas français, puis ensuite à un infirmier, pour finir chez un psychothérapeute qui n'était pas psychothérapeute, sans que personne ne s'en soucie. Et cela, je me l'ai au fait qu'en un an, alors qu'il s'était produit des incidents graves au Chambon, la PJJ chargée du contrôle judiciaire ne s'est rendue qu'une fois en un an au collège où il était scolarisé. Dégoût. Dégoût de la famille d'Agnès et de Julie quand elles apprennent que l'éducatrice de la PJJ, censée rendre visite à Mathieu pendant sa scolarisation au Cévenol, ne s'est rendue qu'une fois dans l'établissement. Et seulement 4 mois après l'arrivée de Mathieu, et le tout sans rencontrer le proviseur. Mais enfin, pourquoi n'êtes-vous pas revenu ? Demande l'avocat général. Trop loin, rétorque la professionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse. Quant au psychologue qui recevait l'adolescent toutes les semaines au Chambon-sur-Lignon, faux diplôme, exercice illégal de la médecine, comme ça c'est complet. Et la direction du Cévenol ? Philippe Owen s'avoue enfin, pendant le procès, oui, il connaissait bien le passé judiciaire de Mathieu. Des fautes qui s'ajoutent aux entorses disciplinaires de l'adolescent pendant son année au Chambon. Parce que, sans que personne ne soit tenu au courant, le gamin n'était pas un ange dans l'école de la seconde chance. Renvoyé plusieurs jours pour avoir téléchargé un film porno, on apprend qu'il adoptait un comportement, disons, inapproprié, en tout cas sans pudeur, avec sa petite copine de l'époque, pendant les récréations. La direction des Cévenol, au courant du suivi judiciaire, n'avait pas jugé nécessaire d'en informer la PJJ. À l'été 2011, 3 mois avant la mort d'Agnès, Mathieu fraude le renvoi, et puis finalement, non. Philippe Owens, le proviseur des Cévenol, accepte à nouveau le chèque de 12 000 euros de Dominique Boulinas. Un suivi catastrophique qui a conduit Agnès vers un calvaire d'une violence inouïe et Mathieu vers la prison à vie. Le 28 juin, la cour d'assises de Haute-Loire du Puy-en-Velay condamne Mathieu à la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le box des accusés, il semble absent. Il fixe ses pieds et se met à bâiller. Dominique Moulinas se souvient de l'énoncé du verdict prononcé contre son fils. Au terme de 4 heures de délibération, les jurés ont repris leur place devant le tribunal. La cour s'est installée et nous avons retenu notre souffle. J'entendais les journalistes qui chuchotaient derrière nous au téléphone avec leur rédaction. Attention, c'est dans 3 minutes. Je sors, on fait un direct devant le tribunal. Je tenais la main de Sophie. Je la serrais fort. Elle avait l'air absent. Au cours du procès, elle avait craqué à plusieurs reprises. Elle avait dû s'absenter, incapable physiquement d'endurer certaines lectures de témoignages, d'expertises, de descriptions. Elle avait l'air absent. Je me sentais omniprésent. Chacun de mes sens en alerte. J'ai entendu « perpétuité ». Et aussitôt dans la salle, les applaudissements du public. Mathieu est le deuxième mineur condamné à perpétuité après Patrick Deal, sera reconnu coupable en 89 de deux meurtres d'enfants, avant d'être acquitté en 2002, victime d'une erreur judiciaire du ressort de l'horreur judiciaire. Le lendemain des verdicts, le 29 juin 2013, les deux avocats de Mathieu, maître Joël Diez et maître Isabelle Mimram, font appel. Car le verdict est inacceptable pour la défense. D'abord parce qu'il écarte l'excuse de minorité dont Mathieu aurait pu bénéficier puisqu'il avait 17 ans et demi au moment du viol et de l'assassinat d'Agnès Marin. Mais c'est surtout parce que la sentence exclut toute pathologie mentale que les avocates veulent une deuxième instance. Alors que le docteur Ecvive considérait Mathieu comme non dangereux après le viol de Julie en 2010, 4 ans plus tard, lors du procès en appel, le 29 septembre 2014, les experts se relaient à la barre pour témoigner de l'extrême dangerosité du jeune homme. N'éprouvant aucun sentiment de honte et de culpabilité, Mathieu se projette dans un avenir de récidiviste, reflet de son mode de fonctionnement pervers, souligne Daniel Zaguri, expert psychiatre auprès de la Cour d'appel de Paris, et il ajoute « Mathieu est un ovni psychiatrique ». Pendant son procès en appel, Mathieu se révèle plus loquace et ses mots sont plus cruels encore. Il n'exprime aucune culpabilité et avoue même avoir ressenti un sentiment d'euphorie pendant l'assassinat d'Agnès. Le 10 octobre 2014, la cour d'assises du Puy-de-Dôme confirme la peine perpétuité avec obligation de soins. À la sortie du prétoire, Frédéric Marin, le père d'Agnès, exprime son soulagement. Et justice a été rendue. Pour la deuxième fois. Et Dieu sait que ça a été un moment, 2 semaines épouvantables. Le Mathieu a été plus bavard qu'en première instance. Ça a été des moments absolument épouvantables. On a eu une petite idée du calvaire qu'il a fait subir à ma fille aimée. Et il y a des choses qui ne s'oublient pas. Maintenant, c'est bien. C'est bien qu'il soit à l'abri et qu'il ne puisse plus jamais faire ce qu'il a fait subir à Agnès. Aujourd'hui, Mathieu a 25 ans. Dans sa cellule, il lui arrive de dormir sous son matelas par peur des zombies et de calfeutrer sa fenêtre dans des délires paranoïaques. Ses parents lui rendent visite toutes les semaines. 3 heures de route pour 45 minutes de parloir. Parfois, Mathieu ne veut pas parler. Ce sont les mauvais jours. Alors, Dominique et Sophie Moulinas préparent des sujets de conversation pendant le trajet en voiture, au cas où. Les parents d'Agnès n'apparaissent plus que très rarement dans les médias. Leur perpétuité à eux, c'est la mort de leur fille de 13 ans et demi, le 16 novembre 2011. Deux familles brisées, victimes des dysfonctionnements d'une justice qui a ses failles. Pendant le premier procès de Mathieu, en juin 2013, sans justifier ses erreurs, l'avocate générale Jeanne-Marie Vermelin avait prononcé cette formule reprise par tous les journalistes d'alors. Face à un adolescent, il y a ce besoin d'espérer. Bien sûr qu'il faut avoir de l'espérance pour faire ce métier, mais elle doit rester lucide, sinon elle est intenable. Sunday morning, skeleton dream. Oh, nothing is for free. In the window, a candle. Well, maybe you. Across the sky, a jittery TV. Glowing white like fire. Nothing is for free. Call out, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Agnès Marin. Notre invité, le journaliste Stéphane Durand-Soufflant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur judiciaire pour Le Figaro. Vous avez suivi cette affaire et les deux procès de Mathieu Moulinas. Donc, pour ce même journal. Alors, le 16 novembre 2011, dans la soirée, alors qu'Agnès Marin a disparu depuis plusieurs heures déjà, l'équipe ne parvient pas à joindre le directeur et le directeur adjoint du collège lycée Sévenol. Qu'est-ce que c'est que cet établissement? Parce que, à l'écoute du récit, finalement, le proviseur dit oui, voilà, ok, les antécédents de ce gamin, je le prends. Bon, il y a un chèque, d'accord. Enfin, il le prend. Mais il le prend mal, puisque finalement, il est mal suivi. Qu'est-ce que c'est que cet établissement et c'est quoi sa philosophie exacte? Ben déjà, cet établissement, il se trouve au Chambon-sur-Lignon et c'est pas neutre dans cette histoire. C'est rien que le nom du Chambon-sur-Lignon évoque l'abri, le refuge, la tolérance, puisque, comme chacun sait, dans ce village protestant, de nombreux réfugiés de toutes sortes ont trouvé un accueil bienveillant, des réfugiés espagnols, et puis évidemment pendant la guerre. Les juifs. Je crois que le village en tant que tel est juste Ayad Vashem. Juste parmi les nations. Et c'est un village, alors c'est très protestant, il n'y a aucune publicité là-dessus, quand on y va, il y a peu de choses, il y a un tout petit musée, mais ils veulent pas en faire trop. Bon, donc on se dit que c'est un endroit de paix, de tolérance. Alors, le Sévenol, c'est un établissement, vous l'avez très bien raconté tout à l'heure, privé, qui a eu son heure de gloire, un établissement un peu... alors c'est très bucolique, c'est en pleine nature, une forme de liberté. Pendant un moment, ça a été un creuset de où se rencontraient des enfants de réfugiés, des enfants de diplomates. C'était, il y avait un petit côté un peu chic aussi quand on était un peu fortuné de mettre ses enfants au Chambon. Tout ça faisait très très bon genre. Donc apparemment, c'était le bon choix. Bah c'était sur le papier, c'était pas un mauvais choix. Ouais. Sauf que c'est mixte. Déjà, donc quand on accueille un jeune homme accusé de viol, c'est pas terrible quand même de le mélanger à des jeunes filles. Et puis, ça a été dit pendant le procès, mais c'est vrai que le directeur n'a pas fait beaucoup de difficultés à l'accueillir. Enfin, c'est pas montré apparemment très curieux, n'a pas demandé trop de détails. Et voilà, et les parents, eux, on peut les comprendre. Ils étaient évidemment très soulagés de trouver enfin un établissement qui accueille leur fils, puisqu'ils avaient essuyé auparavant plusieurs refus. Alors, quand on assiste à un procès en assises pour une affaire aussi terrible, il y a que du malheur, hein, parce qu'il y a une ou plusieurs victimes réelles, puis il y a les victimes psychologiques et notamment les familles. On a parlé des parents de Mathieu Moulinas. En quoi diffèrent-ils des autres parents de criminels? Et parlons une minute des parents de criminels. Comment on les traite en France? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Parce qu'on n'en parle pas souvent. Et être parent de criminel, c'est un drame absolu. Un drame, un véritable drame. Alors d'une manière générale, c'est un drame absolu, la plupart du temps... Alors être parent de victime l'est encore plus, je suis bien voilà, d'accord. Hein. Voilà. Mais être parent de criminel, c'est aussi très dur à porter, j'imagine. Et si vous voulez, là je pars vraiment d'un point de vue très général. Les parents de victimes ont dans la société un statut. Ils peuvent se constituer partie civile. Mmh. Et puis ils ont une douleur qui est audible. Mais les parents de criminels, qui la plupart du temps ne sont pour rien dans le passage à l'acte de leur enfant, n'ont pas de statut juridique, ils ne sont évidemment pas partie civile, et leur douleur est inaudible parce qu'elle est insupportable comparée à la douleur des parents de victimes. Donc c'est évidemment un rôle extrêmement inconfortable que d'être parent de victime, dans, quelle que soit l'affaire, dans une cour d'assises. Et puis vous avez les regards aux assises, c'est-à-dire que les deux familles sont chacune d'un côté du prétoire, une du côté des parties civiles, une du côté de l'accusé ou des accusés, et leurs regards se croisent par... Alors, il y a des moments de fraternité incroyables. J'en ai vu aux assises entre les parents de victimes et les mères, notamment. Mais d'abord, c'est pas obligatoire. Ouais. Et puis, il faut aussi que les circonstances s'y prêtent. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et en général, évidemment, les parents de victimes sont sous le feu des projecteurs, recueillent la sympathie générale, alors que pour les parents d'accusés, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Donc vous avez assisté aux deux procès? Alors, la première instance et l'appel? J'ai assisté à ce à quoi on pouvait assister, puisque c'était à huis clos. Bah oui, bien sûr. Alors, il y avait des fenêtres de publicité, comme toujours dans les huis clos. D'abord, l'ouverture est publique, le prononcé du verdict est public. Et là, exceptionnellement, je vous parle du premier procès du Puy-en-Velay, le réquisitoire d'une avocate générale absolument exceptionnelle a été public. Et c'était évidemment fondamental pour nous, puisque c'est extrêmement frustrant quand c'est à huis clos, de toute façon on s'en va, il n'y a rien à raconter. Et Madame Vermelin, dans son réquisitoire... Dont j'ai cité trois phrases, hein. Mais en quoi il était exceptionnel? Alors, il était exceptionnel parce que d'abord, d'un point de vue très pratique, très pragmatique pour nous journalistes, il retraçait complètement ce qui s'était dit. Il résumait parfaitement toute la leçon de l'audience à laquelle on avait été, de laquelle on avait été chassé. Et puis surtout, pour une fois, on avait un magistrat qui ne mettait pas la poussière sous le tapis. C'est-à-dire qu'elle a pris point par point tous les dysfonctionnements dans ce dossier, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, puisque on peut dire d'une certaine manière toute la chaîne a sauté. C'est rare dans les affaires. Souvent dans les affaires criminelles, il y a un maillon faible. Voilà. Souvent, il y a là, un, y a un acteur. Entière, ouais. Et là, la PJJ, la juge, le psychiatre, le suivi, le chambon, l'éducation. Tout a dysfonctionné. Et pourquoi? À des niveaux différents. Oui, alors pourquoi? Pourquoi cet enchaînement d'incompétence finalement? Il n'y a pas de malveillance, il y a de l'incompétence. Enfin, il y a une faute professionnelle. Il y a évidemment, en tout cas, des erreurs gravissimes. Moi, j'en vois une qui est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement troublant dans cette histoire. C'est une fois que le jeune Mathieu donc est arrêté pour un premier viol, il est incarcéré et on peut imaginer que la juge d'instruction, comme il est mineur, a envie et qu'il a une famille structurée, se dit sa place. C'est sûr que la prison, c'est pas terrible pour se réinsérer. Donc elle demande une expertise à un expert local qu'elle connaît probablement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les experts, ça ne court pas les rues, et surtout dans les tribunaux de province, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, et donc on est bien content quand il y en a un qui accepte de travailler rapidement et de rendre des conclusions. Et cet expert rend un rapport. Alors le problème, c'est pas tellement, je pense, que son diagnostic soit totalement erroné. Et là, évidemment, on peut regretter que ce soit pas le docteur Zaguri, par exemple, qui a examiné Mathieu à l'époque, parce que je suis persuadé qu'il n'aurait pas eu les mêmes conclusions. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la manière dont c'est formulé, de manière extrêmement péremptoire. Il dit à la juge au téléphone, il n'est pas dangereux. Un petit moment de folie, mais... Or, quand on regarde... Oui, il dit après sans drogue et sans jeu vidéo, ça va, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, un coup de folie. C'est un peu Alors, court, ouais. C'est vrai que ça peut exister, un coup de folie terrible qui pousse à un viol. Ça peut arriver dans des fêtes de village, des gamins qui boivent, qui se montent le bourrichon, bon, et ça tourne très très très mal. Mais là, il y a un scénario dans ce premier viol. Il y a des accessoires. Vous avez parlé de cordelettes, de couteaux. Il y a d'autres accessoires qui sont extrêmement inhabituels notamment il y a un sextoy qui a été, c'est scénarisé, c'est préparé. Prémédité, donc. Et la petite Julie ne doit la vie sauve qu'à la sonnerie de son téléphone finalement. Et ça, quand on a un peu d'expérience, c'est un scénario qu'on retrouve chez les tueurs en série. Et des séries, parfois, une victime est en train de subir, d'entrer dans la série, et pour une raison, quelque chose, un détail, une parole, un bruit extérieur, arrête. Ouais, elle s'en sort. Voilà. Et là, ce qui est très troublant, c'est que le psychiatre n'ait pas trouvé ça étonnant qu'un gamin de donc 16 ans monte un scénario aussi terrible et dont l'issue était la mort de la victime, que la juge accepte tout de suite ce diagnostic extrêmement rassurant et prenne, en fait, avant même d'avoir lu le rapport et d'avoir réfléchi en se disant « bon, qu'est-ce que je fais ?» Ce rapport, bon, est-ce que j'en demande un autre quand même? Il y avait de quoi faire quelque chose. Il y a une espèce d'urgence tout d'un coup à libérer le suspect. Bien, Stéphane Durand-Soufflant, on va se retrouver dans 3 minutes, après avoir goûté Lana Del Rey. On écoutera un extrait de ce qu'a dit le grand-père de la victime à la sortie de l'audience. C'est un témoignage fort. Tell me nothing. I used to think that I could try. fin du renseignement, on va parler du procès dont je le disais, mais je vais vous laisser la parole parce que vous, vous y étiez, pas moi, lors du prononcé du verdict, là vous avez pu voir, hein, parce que c'était à huis clos, mais vous pouviez voir le réquisitoire et le prononcé du verdict, c'est absolument. Ça. Quel est le comportement de Mathieu? Il n'a pas de comportement. C'est ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est bien ça. Il était assez absent de son propre procès, pour ce qu'on en a vu. C'était un garçon très renfermé. Alors évidemment, je peux pas vous dire comment c'était pendant que j'y étais pas, mais c'était pas un grand bavard. Hein. Il avait pas grand chose à dire et la peine est tombée. Ses parents étaient bien plus effondrés que lui. Mais alors les parents, on va en parler. On va parler des grands-parents, notamment du grand-père de la victime, donc Armel Marin. Écoutez ce qu'il a dit à la sortie de l'audience au micro de France Inter. Cette sale petite gueule a torturé ma petite fille. Les médecins ont dit qu'elle avait mis 25 minutes à mourir. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Les restes d'Agnès. Il en reste pas lourd. Une fesse et demie ou quelque chose de ce goût-là. Et un bout du crâne et des cheveux. C'est ce qui reste. Je plains son père à Agnès, mon fils, sa mère aussi. C'est atroce. Ce petit bonhomme est un très grand danger. Faut le mettre à l'abri parce qu'il recommencera. C'est un grand-père dévasté qu'on entend, aussi très engagé. Vous l'avez rencontré, vous le connaissez? Oui, je connais Armel et Solange, les grands-parents. Ouais. Je les vois de temps en temps parce qu'on n'habite pas très loin. C'est des gens très sympathiques qui ont écrit un livre qui s'appelle « Lettre à Agnès » qui doit paraître au mois de mai, je crois, chez Fayard. Ça a été pour eux un travail nécessaire pour essayer de tourner cette page. Et c'est vrai que Armel Marin est un homme qui a une belle voix, il a une belle voix de radio, mais qui est dans la colère, parce que comment voulez-vous qu'il comprenne, d'ailleurs, qui peut lui expliquer cet enchaînement incroyable où on disait hors micro, c'est comme, on dirait une conspiration de la nullité. Enfin, c'est incroyable qu'à aucun moment il n'y ait pas eu le bon professionnel ou le petit déclic, il dit, oh là là, attention, au Cévenol, quand Mathieu est scolarisé, il a un comportement quand même extrêmement inquiétant, il télécharge des vidéos pornographiques, il fait entrer de l'alcool, il trimballe sa petite copine en laisse dans la cour. Ah, c'est ça, le comportement inapproprié, c'est bon qu'on puisse dire. C'est quand même bizarre, et la direction sait ce qu'il a commis, il n'y a pas d'alerte. Il n'y a jamais d'alerte dans cette histoire. C'est quand même fou, quoi. C'est lamentable. Lamentable. Et évidemment, ce que comprennent aussi très très mal les grands-parents d'Agnès, c'est qu'il n'y ait pas de responsabilité là-dessus. Alors l'avocat général, encore une fois, a listé les points, mais après, il n'y a pas de sanction. Ils ont voulu que l'expert psychiatre soit radié de la liste des experts agréés près la cour d'appel de Montpellier. Donc ils ont fait la demande. Cette demande n'a pas abouti. Ils ont besoin d'experts à Montpellier. Ils ont, je crois, saisi le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'ils voulaient que la juge d'instruction rende des comptes, mais le CSM n'a pas estimé qu'il y avait une faute. Et c'est vrai que techniquement, il n'y a pas de faute. C'est une décision dont on peut apprécier ensuite ou non les conséquences, mais ce n'est pas une faute. Lettre à Agnès, vous m'avez dit, ce sont les grands-parents les ou les grands-parents parents. Les grands-parents. Armel et Solange. D'accord. Voilà. Comment vont les parents? Est-ce que vous... C'est difficile, moi je les vois pas, mais ouais. J'ai des nouvelles d'eux récemment. C'est des gens qu'on... Vous imaginez, le père d'Agnès était... Je l'ai vu au Puy-en-Velay. Je me souviens qu'après le procès, on a bu un café au lendemain du verdict. Bon, il a été dévasté par cette histoire. Il y a en plus, de manière évidemment très injuste, un sentiment de culpabilité. Pourquoi avons-nous inscrit notre fille là-bas? Parce qu'elle avait fait quelques petites bêtises. Elle était dans un lycée, je crois que c'était au lycée Charlemagne. Ah, c'était pas non plus, c'était pas la bande à Bono, hein. C'était des petites bêtises d'une gamine de cinquième. Et c'est la direction de Charlemagne qui a conseillé, vous pourriez la mettre là-bas, ça lui ferait du bien, etc. Et bon, ils l'ont fait. Mais vous vous rendez compte, après, ils se le reprochent. Ils n'y sont pour rien, évidemment, ces gens. C'est très, très difficile pour eux. Et on a des nouvelles des parents de Mathieu, pour le coup? Je ne sais pas. Ouais. Je sais qu'ils ont fait un livre. Ils ont écrit un livre, publié un livre. Isabelle Mimram et Joël Diez, les avocats de Mathieu, ont donc fait appel, hein, après le premier procès. Qu'espéraient-elles? Alors, déjà, elles n'avaient pas grand-chose à perdre d'un point de vue pénal, puisque oui. Mathieu ayant été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour mémoire, l'avocate avait requis, elle, 30 ans. Elle avait écarté la fameuse excuse de minorité qui fixait la peine maximale à 20 ans. Ouais. en expliquant que, comme on était dans un cas de récidive, on pouvait s'en dispenser. Donc, perpétuité, l'appel était un peu, je dirais, automatique. Et elle voulait, leur but, je crois, était vraiment de faire entendre l'idée que Mathieu, avant d'être un criminel, était un malade mental. Et bon, la peine a été confirmée, mais je crois qu'il y a eu en plus l'injonction de soins qui n'avait pas été prononcée en première instance. Entre nous, ça, je pense que ça change pas grand-chose. Pour avoir parlé un peu avec l'expert Zaguri, dont vous faisiez état tout à l'heure, le pronostic psychiatrique pour Mathieu est extrêmement sombre, enfin sans issue. Et l'excuse des minorités écartée, pourquoi ? Alors, par rapport aux charges, en fait. Alors, il y a deux choses. L'excuse de minorité prévoit que les peines, d'une manière générale, sont moins fortes pour les mineurs, sauf si la Cour en décide autrement. Bah, elle peut toujours. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Une cour d'assises est toujours pleinement libre de condamner comme elle le souhaite. Et là, comme en plus il était récidiviste, puisqu'il avait déjà violé Julie, l'excuse de minorité, d'une certaine manière, pouvait tomber d'elle-même. Ce qui n'était pas le cas pour Patrick Dils, dont vous aviez parlé tout à l'heure. Alors, la récidive, justement, ça débouché sur un débat politique. Là, il y a eu télescopage entre un fait divers qui est, rappelons-le, là pour le coup, un drame humain pour des gens, et la politique. Il y a eu un télescopage. Bien sûr, alors, mais on était sous les années Sarkozy où il y avait des télescopages. Un fait divers, une loi, voilà. Pour caricaturer, mais l'affaire c'est, on n'était pas loin de ça. À Nantes, il fallait que des têtes tombent, il fallait durcir les lois. Je me souviens que le père d'Agnès Marin avait demandé à ce que cette histoire ne soit pas exploitée politiquement. Il avait, lui, été, ils sont des gens extrêmement raisonnables. Et donc, évidemment, la politique s'en est emparée avec les facilités qu'on connaît et prétendu résoudre le cas Mathieu au travers d'un renforcement de la législation, de cette ordonnance de 45 dont on parle toujours, qui a été replâtrée 1000 fois depuis 1945, qui ressemble au bout du compte plus à grand chose, puisqu'elle est totalement bancale. Mais elle reste malgré tout en vigueur. Alors les centres d'éducation fermés, il faut plus de fermeté, patati patata. On a eu droit à tout. Qu'est-ce que ça a laissé comme trace chez vous, Stéphane, durant soufflant cette histoire? Parce qu'on traite plusieurs histoires quand on est journaliste, certaines laissent plus de traces que d'autres. Mais celle-là, elle est particulière parce que déjà il y avait ce procès au Puy-en-Velay, c'était une ambiance très bizarre, c'est une petite cour d'assises, le Puy-en-Velay. Mmh. Moi je me souviens surtout évidemment des grands-parents, les grands-parents marins, que je vois encore régulièrement, et je vois leur cette blessure qu'ils ont en eux, donc ils auront évidemment toute leur vie. À perpétuité. Ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane Durand-Soufflant, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Agnès Marin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission Livre Référence. Et puis si le cœur vous en dit, vos commentaires. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier tout le monde, toute l'équipe d'Affaires Sensibles qui a préparé les émissions de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Gaspard Valus, Stéphanie Fromentin, Adrien Cara et Constance Villanova. Attaché de production, Valérie Priolet, coordination, Christophe Barrère, programmation musicale, Muriel Pérez, réalisation, Jérôme Boulet, Coyen Guyenne, à la technique aujourd'hui, Patrick Henry.